Section 64 des Mille et une nuits, tome 3e. 11e partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 11e partie des aventures du calife Haroun al-Rachid. Suite de l'histoire de Coria Hassan al-Abal. Première partie. Commandeur des croyants, vous venez d'entendre comment Saadi me fit encore présent de 200 autres pièces d'or pour tâcher de rétablir ma petite fortune. Je vous ai dit que sans reprendre mon travail, je rentrais chez moi, que je pris 10 pièces d'or, et ayant mis le reste enveloppé dans un linge au fond d'un grand pot rempli de son, à l'insu de ma femme et de mes enfants, je leur dis que j'allais acheter du chanvre. Je sortis, mais pendant que j'étais allé faire cette emplette, un vendeur de terre a décrassé, dont les femmes se servaient au bain, vint à passer par la rue et se fit entendre par son cri. Ma femme, qui n'avait plus de cette terre, appelle le vendeur, et comme elle n'avait pas d'argent, elle lui demande s'il voulait lui donner de sa terre en échange pour du son. Le vendeur demande à voir le son. Ma femme lui montre le vase. Le marché se fait, il se conclut. Elle reçoit la terre à décrasser et le vendeur emporte le vase avec le son. Je revins chargé de chanvre autant que j'en pouvais porter, suivi de 5 porteurs chargés comme moi de la même marchandise dont j'emplis une soupente que j'avais ménagée dans ma maison. Je satisfis les porteurs de leur peine, et après qu'ils furent partis, je pris quelques moments pour me remettre de ma lassitude. Alors que je jetais les yeux du côté où j'avais laissé le vase de son, je ne le vis plus. Je ne puis exprimer à votre majesté quelle fut ma surprise, ni l'effet qu'elle produisit en moi dans ce moment. Je demandai à ma femme avec précipitation ce qu'il était devenu, et elle me raconta le marché qu'elle en avait fait comme une chose en quoi elle croyait avoir beaucoup gagné. « Ah, femme infortunée, m'écriai-je, vous ignorez le mal que vous nous avez fait à moi, à vous-même et à vos enfants, en faisant un marché qui nous perd sans ressources. Vous avez cru ne vendre que du son, et avec ce son vous avez enrichi votre vendeur de terre à décrasser de 190 pièces d'or dont Saadi, accompagné de son ami, venait de me faire présent pour la seconde fois. » Il s'en fallut peu pour que ma femme ne se désespérât quand elle lui apprit la grande faute qu'elle avait commise par son ignorance. Elle se lamenta, se frappa la poitrine, s'arracha les cheveux et déchirant l'habit dont elle était revêtue. « Malheureuse que je suis ! S'écria-t-elle. Suis-je digne de vivre après une méprise si cruelle ? Où chercherai-je ce vendeur de terre ? Je ne le connais pas, il n'a passé par notre rue que cette seule fois, et peut-être ne le reverrai-je jamais. « Ah, mon mari, ajouta-t-elle, vous avez un grand tort. Pourquoi avez-vous été si réservé à mon égard dans une affaire de cette importance ? Cela ne fût pas arrivé si vous m'eussiez fait part de votre secret. Je ne finirai pas si je rapportais à votre majesté tout ce que la douleur lui mit alors à la bouche. Elle n'ignore pas combien les femmes sont éloquentes dans leur affliction. « Ma femme, lui dis-je, modérez-vous. Vous ne comprenez pas que nous allons attirer tout le voisinage par vos cris et par vos pleurs. Il n'est pas besoin qu'ils soient informés de nos disgrâces. Bien loin de prendre part à notre malheur ou de nous donner de la consolation, ils se feraient un plaisir de se railler de votre simplicité et de la mienne. Le parti le meilleur que nous ayons à prendre, c'est de dissimuler cette perte, de la supporter patiemment, de manière qu'il n'en paraisse pas la moindre chose, et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Bénissons-le au contraire de ce que, des 200 pièces d'or qu'il nous avait données, il n'en ait retiré que 190 et qu'il nous ait laissé 10 par sa libéralité, dont l'emploi que je viens de faire ne laisse pas de nous apporter quelque soulagement. Quelque bonnes que fussent mes raisons, ma femme eut bien de la peine à les goûter d'abord. Mais le temps, qui adoucit les maux les plus grands et qui paraissent les moins supportables, fit qu'à la fin elle s'y rendit. « Nous vivons pauvrement, lui disais-je, il est vrai, mais qu'on est riche que nous n'avons pas. Ne respirons-nous pas le même air ? Ne jouissons-nous pas de la même lumière et de la même chaleur du soleil ? Quelques commodités qu'ils ont plus que nous pourraient nous faire envier leur bonheur s'ils ne mouraient pas comme nous mourons. À le bien prendre, munis de la crainte de Dieu, que nous devons avoir sur toute chose, l'avantage qu'ils ont de plus que nous est si peu considérable que nous ne devons pas nous y arrêter. Je n'ennuierai pas votre majesté plus longtemps par mes réflexions morales. Nous nous consolâmes, ma femme et moi, et je continuai mon travail, l'esprit aussi libre que si je n'eusse pas fait deux pertes si mortifiantes, à peu de temps l'un de l'autre. La seule chose qui me chagrinait, et cela arrivait souvent, c'était quand je me demandais à moi-même comment je pourrais soutenir la présence de Saadi lorsqu'il viendrait me demander compte de l'emploi de ses 200 pièces d'or et de l'avancement de ma fortune par le moyen de sa libéralité, et que je n'y voyais autre remède que de me résoudre à la confusion que j'en aurais, Quoique cette seconde fois non plus que la première, je n'eusse en rien contribué à ce malheur par ma faute. Les deux amis furent plus longtemps à revenir à prendre des nouvelles de mon sort que la première fois. Saad en avait parlé souvent à Saadi, mais Saadi avait toujours différé. Plus nous différons, disait-il, plus Hassan se sera enrichi, et plus la satisfaction que j'en aurai sera grande. Saad n'avait pas la même opinion de l'effet de la libéralité de son ami. Vous croyez donc, reprenait-il, que votre présent aura été mieux employé par Hassan cette fois que la première? Je ne vous conseille pas de vous en flatter, de crainte que votre mortification n'en fût plus sensible si vous trouviez que le contraire fût arrivé. Mais, répétait Saadi, il n'arrive pas tous les jours qu'un Milan emporte un turban. Hassan y a été attrapé, il aura pris ses précautions pour ne pas l'être une seconde fois. Je n'en doute pas, répliqua Saad, mais, ajouta-t-il, tout autre accident que nous ne pouvons imaginer, ni vous ni moi, pourra être arrivé. Je vous le dis encore une fois, modérez votre joie et n'inclinez pas plus à vous prévenir sur le bonheur de Hassan que sur son malheur. Pour vous dire ce que j'en pense, ce que j'en ai toujours pensé, quelque mauvais gré que vous me puissiez savoir de ma persuasion, j'en ai un pressentiment que vous n'aurez pas réussi et que je réussirai mieux que vous à prouver qu'un pauvre homme peut devenir riche de toute autre manière qu'avec de l'argent. Un jour enfin que Saad se trouvait chez Saadi après une longue contestation semblable. « C'en est trop !» dit Saadi. « Je veux être éclairci dès aujourd'hui de ce qu'il en est. Voilà le temps de la promenade, ne la perdons pas, et allons savoir lequel de nous deux aura perdu la gageure. » Les deux amis partirent, et je les vis venir de loin. J'en fus tout ému, et je fus sur le point de quitter mon ouvrage et d'aller me cacher pour ne point paraître devant eux. Attaché à mon travail, je fis semblant de ne pas les avoir aperçus, et je ne levai les yeux pour les regarder que quand ils furent si près de moi que, m'ayant donné la solution de la paix, je ne pus honnêtement m'en dispenser. Je les baissai aussitôt, et en leur contant ma dernière disgrâce dans toutes ces circonstances, je leur fis connaître pourquoi ils me trouvaient aussi pauvre que la première fois qu'ils m'avaient vu. Quand j'eus achevé, « Vous pouvez me dire, ajoutai-je, que je devais cacher les 190 pièces d'or ailleurs que dans un vase de son qui devait le même jour être emporté de ma maison. Mais il y avait plusieurs années que ce vase y était, qu'il servait à cet usage et que, toutes les fois que ma femme avait vendu le son à mesure qu'il en était plein, le vase était toujours resté. Pouvais-je deviner que ce jour-là même, en mon absence, un vendeur de terre à décrasser passerait à point nommé, que ma femme se trouverait sans argent et qu'elle ferait avec lui l'échange qu'elle a fait? Vous pourriez me dire que je devais avertir ma femme, mais je ne croirais jamais que des personnes aussi sages que je suis persuadée que vous êtes m'eussent donné ce conseil. Pour ce qui est de ne pas les avoir cachés ailleurs, quelle certitude pouvais-je avoir qu'elles y eussent été en plus grande sûreté ?» Fin de la 11e partie des aventures du calife Haroun al-Rachid, section 64, enregistrée par Bricara.